Je m'appelle Anthony, j'ai 18 ans, je suis en fac de droit. L'année dernière, j'ai passé mon bac ES, je l'ai eu. Est-ce que tu peux me dire ce que tu as un peu pensé de cette journée et surtout de la thématique égalité homme-femme? Je pense que déjà, si on prend en compte juste l'ensemble et la journée d'appel en soi, je pense que c'est quelque chose qui, même si pour certains peut ne servir à rien, au final, je pense qu'on en apprend quand même et au-delà d'apprendre, on prend aussi conscience de certaines choses. Plus on a la thématique sur les droits de la femme, vu qu'on est en plein dans la semaine. Du coup, je pense que ouais, ça fait vraiment prendre conscience du fait que bah, même si moi, en tant qu'homme en plus, je ressens pas forcément ça dans la vie de tous les jours et je ne le subis pas non plus, bah, au final, c'est quelque chose qui nous entoure et dont on ne peut pas fermer les yeux dessus, tout simplement. Ça vous a permis de prendre conscience? Oui, prendre conscience, c'est sûr que quand on a les chiffres qui sont dévoilés et qui vraiment sont là en face de nous, on ne peut plus minimiser les choses où c'est vraiment des chiffres clairs. Et c'est là que vraiment on se dit qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, même si on est quand même dans un pays où les femmes ont quand même des droits. Justement, est-ce que tu penses que ce genre d'événement, ce genre de prévention, ça fait avancer les choses? Je pense que oui, je pense que là, c'est sur une génération assez jeune, la génération de demain. Donc je pense que même si là, peut-être que le problème, c'est que là, dans le présent, peut-être que ça ne changera pas assez les choses. Maintenant, je pense que la France de demain sera encore plus un pays où la femme aura des droits encore plus importants. Maintenant, je pense que s'il y avait les mêmes préventions qui étaient faites peut-être avec les personnes plus âgées ou des personnes en pleine vie active, je pense que ça pourrait leur faire prendre conscience de certaines choses. Est-ce que tu peux me faire peut-être un résumé de ce que tu as retenu de cette journée, de l'intervention du CIDF? Du coup, ça s'est passé en plusieurs étapes, scindé en plusieurs parties. On a d'abord eu on a une prise de conscience sur tout ce que les femmes pouvaient subir, que ce soit dans les transports en commun ou même dans la vie de tous les jours, dans le monde du travail, à savoir des salaires, dans le privé du moins, qui sont de 14 à 20% plus bas que ceux des hommes. Des hommes qui insultent les femmes dans la rue pour un décolleté ou autre. Ça, à mes yeux, c'est assez grave. Maintenant, c'est peut-être pas encore assez puni et les gens prennent pas conscience à quel point des paroles peuvent engendrer de grandes conséquences pour les femmes. Et est-ce que toi, du coup, à l'issue de cette journée, tu as essayé peut-être d'être plus attentif à ces problèmes-là? Est-ce que dans ta vie de tous les jours, tu as essayé de voir s'il y a... C'est sûr que personnellement, je me sens pas concerné par les violences qui sont faites aux femmes. Maintenant, c'est sûr que d'un point de vue extérieur, c'est important aussi de dire que même... si on est témoin mais qu'on ne réagit pas, au final, on est aussi coupable que celui qui fait les actes. Donc je pense que c'est aussi important de réagir quand on est face à une situation dans le genre. Parfait, merci beaucoup. Pas de souci.